Chapitre 4. La dernière charge de poudre. Johnson avait dû donner asile dans la maison de glace aux chiens harassés de fatigue. Lorsque la neige tombe abondamment, elle peut servir de couverture aux animaux dont elle conserve la chaleur naturelle. Mais à l'air, par ces froids secs de 40 degrés, les pauvres bêtes eussent été gelées en peu de temps. Johnson, qui faisait un excellent dog driver, essaya de nourrir ses chiens avec cette viande noirâtre du phoque que les voyageurs ne pouvaient absorber. Et à son grand étonnement, l'attelage s'en fit un véritable régal. Le vieux marin, tout joyeux, apprit cette particularité au docteur. Celui-ci n'en fut aucunement surpris. Il savait que dans le nord de l'Amérique, les chevaux font du poisson leur principale nourriture, et de ce qui suffisait à un cheval herbivore, un chien omnivore pouvait se contenter à plus forte raison. Avant de s'endormir, bien que le sommeil devint une impérieuse nécessité pour des gens qui s'étaient traînés pendant 15 miles sur les glaces, le docteur voulut entretenir ses compagnons de la situation actuelle sans en atténuer la gravité. « Nous ne sommes encore qu'au 82e parallèle, dit-il, et les vivres menacent déjà de nous manquer. » « C'est une raison pour ne pas perdre un instant, répondit Hatteras. Il faut marcher. Les plus forts traîneront les plus faibles. « Trouverons-nous seulement un navire à l'endroit indiqué ?» répondit Bell, que les fatigues de la route abattaient malgré lui. « Pourquoi en douter ?» répondit Johnson. « Le salut de l'Américain répond d'une autre. » Le docteur, pour plus de sûreté, voulut encore interroger de nouveau Altamont. Celui-ci parlait assez facilement, quoique d'une voix faible. Il confirma tous les détails précédemment donnés. Il répéta que le navire, échoué sur des roches de granit, n'avait pu bouger, et qu'il se trouvait par 126 degrés 15 minutes de longitude et 83 degrés 35 minutes de latitude. « Nous ne pouvons douter de cette affirmation, » reprit alors le docteur. « La difficulté n'est pas de trouver le porpoise, mais d'y arriver. Que reste-t-il de nourriture ?» demanda Hatteras. « De quoi vivre pendant 3 jours au plus ?» répondit le docteur. « Eh bien, « il faut arriver en 3 jours, » dit énergiquement Hatteras. « Il le faut en effet, » reprit le docteur. « Et si nous réussissons, nous ne devrons pas nous plaindre, car nous aurons été favorisés par un temps exceptionnel. La neige nous a laissé 15 jours de répit, et le traîneau a pu glisser facilement sur la glace durcie. Ah, que ne porte-t-il de 100 livres d'aliments ? Nos braves chiens auraient eu facilement raison de cette charge. Enfin, puisqu'il en est autrement, nous n'y pouvons rien. » « Avec un peu de chance et d'adresse, répondit Johnson, ne pourrait-on pas utiliser les quelques charges de poudre qui restent? Si un ours tombait en notre pouvoir, nous serions approvisionnés de nourriture pour le reste du voyage. » « Sans doute, répliqua le docteur, mais ces animaux sont rares et fuyards, et puis il suffit de songer à l'importance du coup de fusil pour que l'œil se trouble et que la main tremble. « Vous êtes pourtant un habile tireur, dit Bell. « Oui, quand le dîner de 4 personnes ne dépend pas de mon adresse. Cependant, vienne l'occasion, je ferai de mon mieux. En attendant, mes amis, contentons-nous de ce maigre souper de miettes de pémican, tâchons de dormir, et dès le matin, nous reprendrons notre route. » Quelques instants plus tard, l'excès de fatigue l'emportant sur toute autre considération, chacun dormait d'un sommeil assez profond. Le samedi, de bonne heure, Johnson réveilla ses compagnons. Les chiens furent attelés au traîneau et celui-ci reprit sa marche vers le nord. Le ciel était magnifique, l'atmosphère d'une extrême pureté, la température très basse. Quand le soleil parut au-dessus de l'horizon, il avait la forme d'une ellipse allongée. Son diamètre horizontal, par suite de la réfraction, semblait être double de son diamètre vertical. Il lança son faisceau de rayons clairs mais froids sur l'immense plaine glacée. Ce retour à la lumière, sinon à la chaleur, faisait plaisir. Le docteur, son fusil à la main, s'écarta d'un mâle ou deux, bravant le froid et la solitude. Avant de s'éloigner, il avait mesuré exactement ses munitions. Il lui restait 4 charges de poudre seulement et 3 balles, pas davantage. C'était peu, quand on considère qu'un animal fort et vivace comme l'ours polaire ne tombe souvent qu'au 10e ou au 12e coup de fusil. Aussi, l'ambition du brave docteur n'allait-elle pas jusqu'à rechercher un si terrible gibier? Quelques lièvres, 2 ou 3 renards eussent fait son affaire et produit un surcroît de provisions très suffisant. Mais pendant cette journée, s'il aperçut un de ces animaux, ou il ne put pas l'approcher, ou, trompé par la réfraction, il perdit son coup de fusil. Cette journée lui coûta inutilement une charge de poudre et une balle. Ses compagnons, qui avaient tressailli d'espoir à la détonation de son arme, le virent revenir la tête basse. Ils ne dirent rien. Le soir, on se coucha comme d'habitude, après avoir mis de côté les deux quarts de ration réservés pour les deux jours suivants. Le lendemain, la route parut être de plus en plus pénible. On ne marchait pas, on se traînait. Les chiens avaient dévoré jusqu'aux entrailles du phoque et ils commençaient à ronger leurs courroies. Quelques renards passèrent au large du traîneau et le docteur, ayant encore perdu un coup de fusil en les poursuivant, n'osa plus risquer sa dernière balle et son avant-dernière charge de poudre. Le soir, on fit halte de meilleure heure. Les voyageurs ne pouvaient plus mettre un pied devant l'autre, et quoique la route fût éclairée par une magnifique aurore boréale, ils durent s'arrêter. Ce dernier repas, pris le dimanche soir, sous la tente glacée, fut bien triste. Si le ciel ne venait pas au secours de ces infortunés, ils étaient perdus. Hatteras ne parlait pas. Bell ne pensait plus. Johnson réfléchissait sans mot dire, mais le docteur ne se désespérait pas encore. Johnson eut l'idée de creuser quelques trappes pendant la nuit. N'ayant pas d'appât à y mettre, il comptait peu sur le succès de son invention. Il avait raison, car le matin, en allant reconnaître ces trappes, il vit bien des traces de renards, mais pas un de ces animaux ne s'était laissé prendre au piège. Il revenait donc fort désappointé quand il aperçut un ours de taille colossale qui flairait les émanations du traîneau à moins de 50 toises. Le vieux marin eut l'idée que la Providence lui adressait cet animal inattendu pour le tuer. Sans réveiller ses compagnons, il s'élança sur le fusil du docteur et gagna du côté de l'ours. Arrivé à bonne distance, il le mit en joue. Mais au moment de presser la détente, il sentit son bras trembler. Ses gros gants de peau le gênaient, il les ôta rapidement et saisit son fusil d'une main plus assurée. Soudain, un cri de douleur lui échappa. La peau de ses doigts, brûlée par le froid du canon, y restait adhérente, tandis que l'arme tombait à terre et partait au choc en lançant sa dernière balle dans l'espace. Au bruit de la détonation, le docteur accourut, il comprit tout, il vit l'animal s'enfuir tranquillement. Johnson se désespérait et ne pensait plus à ses souffrances. « Je suis une véritable femmelette, » s'écriait-il, « un enfant qui ne sait pas supporter une douleur. Moi, à mon âge !»« Voyons, rentrez, Johnson, » lui dit le docteur, « vous allez vous faire geler. Tenez, vos mains sont déjà blanches. Venez. »« Je suis indigne de vos soins, monsieur Claoboni, » répondait le maître d'équipage. « Laissez-moi. Mais venez donc, entêté, venez donc, il sera bientôt trop tard. » Et le docteur, entraînant le vieux marin sous la tente, lui fit mettre les deux mains dans une jatte d'eau que la chaleur du poêle avait maintenue liquide, quoique froide. Mais à peine les mains de Johnson y furent-elles plongées que l'eau se congela immédiatement à leur contact. « Vous le voyez, » dit le docteur, « il était temps de rentrer, sans quoi j'aurais été obligé d'en venir à l'amputation. » Grâce à ses soins, tout danger disparut au bout d'une heure, mais non sans peine. Il fallut des frictions réitérées pour rappeler la circulation du sang dans les doigts du vieux marin. Le docteur lui recommanda surtout d'éloigner ses mains du poêle, dont la chaleur eût amené de graves accidents. Ce matin-là, on dut se priver de déjeuner. Du pemmican, de la viande salée, il ne restait rien. Pas une miette de biscuit, à peine une demi-livre de café. Il fallut se contenter de cette boisson brûlante, et on se remit en marche. « Plus de ressources, » dit Bell à Johnson, avec un indicible accent de désespoir. « Ayons confiance en Dieu, » dit le vieux marin. « Il est tout-puissant pour nous sauver. »« Ah, ce capitaine Hatteras, » reprit Bell, « il a pu revenir de ses premières expéditions à l'insensé, mais de celle-ci, il ne reviendra jamais, et nous ne reverrons plus notre pays. » « Courage, Bell. J'avoue que le capitaine est un homme audacieux, mais auprès de lui, il se rencontre un autre homme, habile en expédient. »« Le docteur Claoboni, » dit Bell. « Lui-même, » répondit Johnson. « Que peut-il dans une situation pareille ?» répliqua Bell en haussant les épaules. « Changera-t-il ses glaçons en morceaux de viande ? Est-ce un dieu pour faire des miracles ?»« Qui sait ?» répondit le maître d'équipage au doute de son compagnon. « J'ai confiance en lui. » Bell hocha la tête et retomba dans ce mutisme complet pendant lequel il ne pensait même plus. Cette journée fut de 3 miles à peine. Le soir, on ne mangea pas. Les chiens menaçaient de se dévorer entre eux. Les hommes ressentaient avec violence les douleurs de la faim. On ne vit pas un seul animal. D'ailleurs, à quoi bon ? On ne pouvait chasser au couteau. Seulement Johnson crut reconnaître, à 1 mile sous le vent, l'ours gigantesque qui suivait la malheureuse troupe. « Ils nous guettent, » pensa-t-il, « ils voient en nous une proie assurée. » Mais Johnson ne dit rien à ses compagnons. Le soir, on fit la halte habituelle et le souper ne se composa que de café. Les infortunés sentaient leurs yeux devenir hagards, leur cerveau se prendre, et torturés par la faim, ils ne pouvaient trouver une heure de sommeil. Des rêves étranges et des plus douloureux s'emparaient de leur esprit. Sous une latitude où le corps demande impérieusement à se réconforter, les malheureux n'avaient pas mangé depuis 36 heures, quand le matin du mardi arriva. Cependant, animés par un courage, une volonté surhumaine, ils reprirent leur route, poussant le traîneau que les chiens ne pouvaient tirer. Au bout de 2 heures, ils tombèrent, épuisés. Atterras voulait aller plus loin encore. Lui, toujours énergique, il employa les supplications, les prières, pour décider ses compagnons à se relever. C'était demander l'impossible. Alors, aidé de Johnson, il tailla une maison de glace dans un iceberg. Ces deux hommes, travaillant ainsi, avaient l'air de creuser leur tombe. « Je veux bien mourir de faim, » disait Atterras, « mais non de froid. » Après de cruelles fatigues, la maison fut prête et toute la troupe s'y blottit. Ainsi se passa la journée. Le soir, pendant que ses compagnons demeuraient sans mouvement, Johnson eut une sorte d'hallucination. Il rêva d'ours gigantesques. Ce mot souvent répété par lui attira l'attention du docteur qui, tiré de son engourdissement, demanda au vieux marin pourquoi il parlait d'ours et de quel ours il s'agissait. « L'ours qui nous suit, » répondit Johnson. « L'ours qui nous suit, » répéta le docteur. « Oui, depuis 2 jours. »« Depuis 2 jours, vous l'avez vu ?»« Oui, il se tient 1 mile sous le vent. »« Et vous ne m'avez pas prévenu, Johnson ?»« À quoi bon ?»« C'est juste, » fit le docteur. « Nous n'avons plus une seule balle à lui envoyer. »« Ni même un lingot, un morceau de fer, un clou quelconque, » répondit le vieux marin. Le docteur se tut et se prit à réfléchir. Bientôt, il dit au maître d'équipage, « Vous êtes certain que cet animal nous suit ?»« Oui, monsieur Claoboni, il compte sur un repas de chair humaine. Il sait que nous ne pouvons pas lui échapper. » « Johnson, » fit le docteur, ému de l'accent désespéré de son compagnon. « Sa nourriture est assurée à lui, » répliqua le malheureux, que le délire prenait. « Il doit être affamé, et je ne sais pas pourquoi nous le faisons attendre. »« Johnson, calmez-vous. Non, monsieur Claoboni, puisque nous devons y passer, pourquoi prolonger les souffrances de cet animal ? Il a faim, comme nous. Il n'a pas de phoque à dévorer. Le ciel lui envoie des hommes. Eh bien, tant mieux pour lui. » Le vieux Johnson devenait fou. Il voulait quitter la maison de glace. Le docteur eut beaucoup de peine à le contenir, et s'il y parvint, ce fut moins par la force que parce qu'il prononça les paroles suivantes avec un accent de profonde conviction. « Demain, » dit-il, « je tuerai cet ours. » « Demain, » fit Johnson, qui semblait sortir d'un mauvais rêve. « Demain. Vous n'avez pas de balles. J'en ferai. Vous n'avez pas de plomb. Non, mais j'ai du mercure. » Et cela dit, le docteur prit le thermomètre. Il marquait à l'intérieur 50 degrés au-dessus de zéro, plus 10 degrés centigrades. Le docteur sortit, plaça l'instrument sur un glaçon et rentra bientôt. La température extérieure était de 50 degrés au-dessous de zéro, moins 47 degrés centigrades. « À demain, » dit-il au vieux marin, « dormez et attendons le lever du soleil. » La nuit se passa dans les souffrances de la faim. Seuls le maître d'équipage et le docteur purent les tempérer par un jeu d'espoir. Le lendemain, au premier rayon du jour, le docteur, suivi de Johnson, se précipita dehors et courut au thermomètre. Tout le mercure s'était réfugié dans la cuvette sous la forme d'un cylindre compact. Le docteur brisa l'instrument et en retira de ses doigts prudemment gantés un véritable morceau de métal très peu malléable et d'une grande dureté. C'était un vrai lingot. « Ah, monsieur Claoboni !» s'écria le maître d'équipage. « Voilà qui est merveilleux ! Vous êtes un fier homme !»« Non, mon ami, » répondit le docteur. « Je suis seulement un homme doué d'une bonne mémoire et qui a beaucoup lu. Que voulez-vous dire ? Je me suis souvenu à propos d'un fait relaté par le capitaine Ross dans la relation de son voyage. Il est dit avoir percé une planche 1 pouce d'épaisseur avec un fusil chargé d'une balle de mercure gelée. Si j'avais eu de l'huile à ma disposition, c'eût été presque la même chose, car il raconte également qu'une balle d'huile d'amande douce, tirée contre un poteau, le fendit et rebondit à terre sans avoir été cassée. Cela n'est pas croyable. Mais cela est, Johnson. Voici donc un morceau de métal qui peut nous sauver la vie. Laissons-le à l'air avant de nous en servir et voyons si l'ours ne nous a pas abandonnés. À ce moment, Hatteras sortit de la hutte. Le docteur lui montra le lingot et lui fit part de son projet. Le capitaine lui serra la main et les trois chasseurs se mirent à observer l'horizon. Le temps était clair. Hatteras, s'étant porté en avant de ses compagnons, découvrit l'ours à moins de 600 toises. L'animal, assis sur son derrière, balançait tranquillement la tête en aspirant les émanations de ses hôtes inaccoutumés. « Le voilà !» s'écria le capitaine. « Silence !» fit le docteur. Mais l'énorme quadrupède, lorsqu'il aperçut les chasseurs, ne bougea pas. Il les regardait sans frayeur ni colère. Cependant, il devait être fort difficile de l'approcher. « Mes amis, » dit Hatteras, « il ne s'agit pas ici d'un vain plaisir, mais de notre existence à sauver. Agissons en homme prudent. » « Oui, » répondit le docteur, « nous n'avons qu'un seul coup de fusil à notre disposition, il ne faut pas manquer l'animal. S'il s'enfuyait, il serait perdu pour nous, car il dépasse un lévrier à la course. »« Eh bien, il faut aller droit à lui, » répondit Johnson. « On risque sa vie, qu'importe, je demande à risquer la mienne. »« Ce sera moi, » s'écria le docteur. « Moi, » répondit simplement Hatteras. « Mais, » s'écria Johnson, « n'êtes-vous pas plus utile au salut de tous qu'un vieux bonhomme de mon âge ?»« Non, Johnson, » reprit le capitaine, « laissez-moi faire. Je ne risquerai pas ma vie plus qu'il ne faudra. Il sera possible au surplus que je vous appelle à mon aide. »« Hatteras, » demanda le docteur, « allez-vous donc marcher vers cet ours ?»« Si j'étais certain de l'abattre, dût-il m'ouvrir le crâne, je le ferais, docteur. » Mais à mon approche, il pourrait s'enfuir. C'est un être plein de ruses. Tâchons d'être plus rusés que lui. Que comptez-vous faire ? M'avancer jusqu'à 10 pas sans qu'il soupçonne ma présence. Et comment cela ? Mon moyen est hasardeux, mais simple. Vous avez conservé la peau du phoque que vous avez tué. Elle est sur le traîneau. Bien, regagnons notre maison de glace pendant que Johnson restera en observation. Le maître d'équipage se glissa derrière un hummock qui le dérobait entièrement à la vue de l'ours. Celui-ci, toujours à la même place, continuait ses singuliers balancements en reniflant l'air. Chapitre 5. Le phoque et l'ours. Hatteras et le docteur rentrèrent dans la maison. « Vous savez, dit le premier, que les ours du pôle chassent les phoques, dont ils font principalement leur nourriture. Ils les guettent au bord des crevasses, pendant des journées entières et les étouffent dans leurs pattes dès qu'ils apparaissent à la surface des glaces. Un ours ne peut donc s'effrayer de la présence d'un phoque, au contraire. « Je crois comprendre votre projet, dit le docteur, il est dangereux. »« Mais il offre des chances de succès, répondit le capitaine. Il faut donc l'employer. Je vais revêtir cette peau de phoque et me glisser sur le champ de glace. Ne perdons pas de temps, chargez votre fusil et donnez-le-moi. » Le docteur n'avait rien à répondre. Il eut fait lui-même ce que son compagnon allait tenter. Il quitta la maison en emportant 2 haches, l'une pour Johnson, l'autre pour lui, puis, accompagné d'Hatteras, il se dirigea vers le traîneau. Là, Hatteras fit sa toilette de phoque et se glissa dans cette peau qui le couvrait presque tout entier. Pendant ce temps, le docteur chargea son fusil avec sa dernière charge de poudre, puis il glissa dans le canon le lingot de mercure qui avait la dureté du fer et la pesanteur du plomb. Cela fait, il remit l'arme à Hatteras, qui la fit disparaître sous la peau du phoque. « Allez, dit-il au docteur, rejoignez Johnson. Je vais attendre quelques instants pour dérouter mon adversaire. »« Courage, Hatteras, dit le docteur. Soyez tranquille, et surtout ne vous montrez pas avant mon coup de feu. » Le docteur gagna rapidement l'hummock derrière lequel se tenait Johnson. « Eh bien, dit celui-ci, eh bien, attendons. Hatteras se dévoue pour nous sauver. » Le docteur était ému. Il regarda l'ours qui donnait des signes d'une agitation plus violente, comme s'il se fût senti menacé d'un danger prochain. Au bout d'un quart d'heure, le phoque rampait sur la glace. Il avait fait un détour à l'abri des gros blocs pour mieux tromper l'ours. Il se trouvait alors à 50 toises de lui. Celui-ci l'aperçut et se ramassa sur lui-même, cherchant pour ainsi dire à se dérober. Hatteras imitait avec une profonde habileté les mouvements du phoque, et s'il n'eût été prévenu, le docteur s'y fût certainement laissé prendre. « C'est cela, c'est bien cela, » disait Johnson à voix basse. L'amphibie, tout en gagnant du côté de l'animal, ne semblait pas l'apercevoir. il paraissait chercher une crevasse pour se replonger dans son élément. L'ours, de son côté, tournant les glaçons, se dirigeait vers lui avec une prudence extrême. Ses yeux enflammés respiraient la plus ardente convoitise. Depuis un mois, deux peut-être, il jeûnait, et le hasard lui envoyait une proie assurée. Le phoque ne fut bientôt plus qu'à 10 pas de son ennemi. Celui-ci se développa tout d'un coup, fit un bond gigantesque, et stupéfait, épouvanté, s'arrêta à 3 pas d'Atéras, qui, rejetant en arrière sa peau de phoque, à genoux en terre, le visait au cœur. Le coup partit, et l'ours roula sur la glace. « En avant !» s'écria le docteur. Et suivi de Johnson, il se précipita sur le théâtre du combat. L'énorme bête s'était redressée, frappant l'air d'une patte, tandis que de l'autre, elle arrachait une poignée de neige dont elle bouchait sa blessure. Atéras n'avait pas bronché. Il attendait, son couteau à la main. Mais il avait bien visé et frappé d'une balle sûre, avec une main qui ne tremblait pas. Avant l'arrivée de ses compagnons, son couteau était plongé tout entier dans la gorge de l'animal qui tombait pour ne plus se relever. « Victoire !» s'écria Johnson. « Hurrah, Atéras ! Hurrah !» fit le docteur. Atéras, nullement ému, regardait le corps gigantesque en se croisant les bras. « À mon tour d'agir, » dit Johnson. « C'est bien d'avoir abattu ce gibier, mais il ne faut pas attendre que le froid l'ait durci comme une pierre. Nos dents et nos couteaux n'y pourraient rien ensuite. » Johnson alors commença par écorcher cette bête monstrueuse dont les dimensions atteignaient presque celles d'un bœuf. Elle mesurait 9 pieds de longueur sur 6 pieds de circonférence. 2 énormes crocs, longs de 3 pouces, sortaient de ses gencives. Johnson l'ouvrit et ne trouva que de l'eau dans son estomac. L'ours n'avait évidemment pas mangé depuis longtemps. Cependant, il était fort gras et pesait plus de 1500 livres. Il fut divisé en 4 quartiers, dont chacun donna 200 livres de viande, et les chasseurs traînèrent toute cette chair jusqu'à la maison de neige, sans oublier le cœur de l'animal qui, 3 heures après, battait encore avec force. Les compagnons du docteur se seraient volontiers jetés sur cette viande crue, mais celui-ci les retint et demanda le temps de la faire griller. Claoboni, en rentrant dans la maison, avait été frappé du froid qui y régnait. Il s'approcha du poêle et le trouva complètement éteint. Les occupations de la matinée, les émotions même, avaient fait oublier à Johnson ce soin dont il était habituellement chargé. Le docteur se mit en devoir de rallumer le feu, mais il ne rencontra pas une seule étincelle parmi les cendres déjà refroidies. « Allons, un peu de patience, » dit-il. Il revint au traîneau chercher de l'amadou et demanda son briquet à Johnson. « Le poêle est éteint, » lui dit-il. « C'est de ma faute, » répondit Johnson. Il chercha son briquet dans la poche où il avait l'habitude de le serrer. Il fut surpris de ne pas l'y trouver. Il tâta ses autres poches sans plus de succès. Il rentra dans la maison de neige, retourna en tous sens la couverture sur laquelle il avait passé la nuit et ne fut pas plus heureux. « Eh bien !» lui criait le docteur. Johnson revint et regarda ses compagnons. « Le briquet, ne l'avez-vous pas, monsieur Claoboni ? » dit-il. « Non, Johnson. »« Ni vous, capitaine ?»« Non, » répondit Atéras. « Il a toujours été en votre possession, » reprit le docteur. « Eh bien, je ne l'ai plus, » murmura le vieux marin en pâlissant. « Plus ?» s'écria le docteur, qui ne put s'empêcher de tressaillir. Il n'existait pas d'autre briquet, et cette perte pouvait amener des conséquences terribles. « Cherchez bien Johnson, » dit le docteur. Celui-ci courut vers le glaçon derrière lequel il avait guetté l'ours, puis au lieu même du combat où il l'avait dépecé. Mais il ne trouva rien. Il revint désespéré. Atéras le regarda sans lui faire un seul reproche. « Cela est grave, » dit-il au docteur. « Oui, » répondit ce dernier. « Nous n'avons même pas un instrument, une lunette, dont nous puissions enlever la lentille pour nous procurer du feu. « Je le sais, » répondit le docteur. « Et cela est malheureux, car les rayons du soleil auraient eu assez de force pour allumer de l'amadou. « Eh bien, » répondit Atéras, « il faut apaiser notre faim avec cette viande crue, puis nous reprendrons notre marche et nous tâcherons d'arriver au navire. » « Oui, » disait le docteur, plongé dans ses réflexions, « oui, cela serait possible à la rigueur. Pourquoi pas? On pourrait essayer. »« À quoi songez-vous ? » demanda Atéras. « Une idée qui me vient. » « Une idée ? » s'écria Johnson. « Une idée de vous ? Nous sommes sauvés alors. » « Réussira-t-elle ? » répondit le docteur. « C'est une question. »« Quel est votre projet ? » dit Atéras. « Nous n'avons pas de lentilles, eh bien nous en ferons une. » Comment ? Dit Johnson. Avec un morceau de glace que nous taillerons. Quoi, vous croyez ? Pourquoi pas ? Il s'agit de faire converger les rayons du soleil vers un foyer commun, et la glace peut nous servir à cela, comme le meilleur cristal. Est-il possible ? Fit Johnson. Oui, seulement je préférerais de la glace d'eau douce à la glace d'eau salée. Elle est plus transparente et plus dure. Mais si je ne me trompe, dit Johnson, en indiquant un hummock à 100 pas à peine, ce bloc d'aspect presque noirâtre et cette couleur verte indiquent... Vous avez raison. Venez, mes amis, prenez votre hache, Johnson. Les trois hommes se dirigèrent vers le bloc signalé qui se trouvait effectivement formé de glace d'eau douce. Le docteur en fit détacher un morceau d'un pied de diamètre. Il commença à le tailler grossièrement avec la hache. Puis, il en rendit la surface plus égale au moyen de son couteau. Enfin, il le polit peu à peu avec sa main et il obtint bientôt une lentille transparente comme si elle eût été faite du plus magnifique cristal. Alors, il revint à l'entrée de la maison de neige. Là, il prit un morceau d'amadou et commença son expérience. Le soleil brillait alors d'un assez vif éclat. Le docteur exposa sa lentille de glace au rayon qu'il rencontra sur l'amadou. Celui-ci prit feu en quelques secondes. « Hurrah ! Hurrah ! » s'écria Johnson, qui ne pouvait en croire ses yeux. « Ah, Monsieur Klaoboni ! Monsieur Klaoboni !» Le vieux marin ne pouvait contenir sa joie. Il allait et venait comme un fou. Le docteur était rentré dans la maison. Quelques minutes plus tard, le poêle ronflait et bientôt une savoureuse odeur de grillade tirait belle de sa torpeur. On devine combien ce repas fut fêté. Cependant, le docteur conseilla à ses compagnons de se modérer. Il leur prêcha d'exemple, et tout en mangeant, il reprit la parole. « Nous sommes aujourd'hui dans un jour de bonheur, » dit-il. « Nous avons des provisions assurées pour le reste de notre voyage. Pourtant, il ne faut pas nous endormir dans les délices de Capoue, et nous ferons bien de nous remettre en chemin. » « Nous ne devons pas être éloignés de plus de 48 heures du Porpoise, » dit Altamonte, dont la parole redevenait presque libre. « J'espère, » dit en riant le docteur, « que nous y trouverons de quoi faire du feu. »« Oui, » répondit l'Américain. « Car si ma lentille de glace est bonne, » reprit le docteur, « elle laisserait à désirer les jours où il n'y a pas de soleil, et ces jours-là sont nombreux, à moins de 4 degrés du pôle. »« En effet, » répondit Altamonte avec un soupir, « à moins de 4 degrés, mon navire est allé là où jamais bâtiment ne s'était aventuré avant lui. »« En route, » commanda Terrasse d'une voix brève. « En route !» répéta le docteur en jetant un regard inquiet sur les deux capitaines. Les forces des voyageurs s'étaient promptement refaites. Les chiens avaient eu large part des débris de l'ours et l'on reprit rapidement le chemin du nord. Pendant la route, le docteur voulut tirer à d'Altamonte quelques éclaircissements sur les raisons qui l'avaient amené si loin, mais l'Américain répondait évasivement. « Deux hommes à surveiller, » dit le docteur à l'oreille du vieux maître d'équipage. « Oui, » répondit Johnson. Hatteras n'adresse jamais la parole à l'Américain, et celui-ci paraît peu disposé à se montrer reconnaissant. Heureusement que je suis là. Monsieur Klaoboni, répondit Johnson, depuis que ce Yankee revient à la vie, sa physionomie ne me va pas beaucoup. Ou je me trompe fort, répondit le docteur, ou il doit soupçonner les projets d'Hatteras. Croyez-vous donc que cet étranger ait eu les mêmes desseins que lui? Qui sait, Johnson? Les Américains sont hardis et audacieux. Ce qu'un Anglais a voulu faire, un Américain a pu le tenter aussi. Vous pensez qu'Altamonte... Je ne pense rien, répondit le docteur, mais la situation de son bâtiment sur la route du pôle donne à réfléchir. Cependant, Altamonte dit avoir été entraîné malgré lui. Il le dit, oui, mais j'ai cru surprendre un singulier sourire sur ses lèvres. « Diable, monsieur Klaoboni, ce serait une fâcheuse circonstance qu'une rivalité entre deux hommes de cette trempe. Fasse le ciel que je me trompe, Johnson, car cette situation pourrait amener des complications graves, sinon une catastrophe. J'espère qu'Altamonte n'oubliera pas que nous lui avons sauvé la vie. Ne va-t-il pas sauver la nôtre à son tour? J'avoue que sans nous, il n'existerait plus. Mais sans lui, sans son navire, sans ses ressources qu'il contient, que deviendrions-nous? « Enfin, monsieur Klaoboni, vous êtes là, et j'espère qu'avec votre aide, tout ira bien. »« Je l'espère aussi, Johnson. » Le voyage se poursuivit sans incident. La viande d'ours ne manquait pas, et on en fit des repas copieux. Il régnait même une certaine bonne humeur dans la petite troupe, grâce aux saillies du docteur et à son aimable philosophie. Ce digne homme trouvait toujours dans son bissac de savant quelque enseignement à tirer des faits et des choses. Sa santé continuait d'être bonne. Il n'avait pas trop maigri, malgré les fatigues et les privations. Ses amis de Liverpool l'eussent reconnu sans peine, surtout à sa belle et inaltérable humeur. Pendant la matinée du samedi, la nature de l'immense plaine de glace vint à se modifier sensiblement. Les glaçons convulsionnés, les packs plus fréquents, les hummocks entassés, démontraient que l'Icefield subissait une grande pression. Évidemment, quelques continents inconnus, quelques îles nouvelles, en rétrécissant les passes, avaient dû produire ce bouleversement. Des blocs de glace d'eau douce plus fréquents et plus considérables indiquaient une côte prochaine. Il existait donc, à peu de distance, une terre nouvelle. Et le docteur brûlait du désir d'en enrichir les cartes de l'hémisphère boréal. On ne peut se figurer ce plaisir de relever des côtes inconnues et d'en former le tracé à la pointe du crayon. C'était le but du docteur, si celui d'Atterras était de fouler de son pied le pôle même, et il se réjouissait d'avance en songeant aux noms dont il baptiserait les mers, les détroits, les baies, les moindres sinuosités de ces nouveaux continents. Certes, dans cette glorieuse nomenclature, il n'omettait ni ses compagnons, ni ses amis, ni sa gracieuse majesté, ni la famille royale, mais il ne s'oubliait pas lui-même, et il entrevoyait un certain Cap Claoboni avec une légitime satisfaction. Ses pensées l'occupèrent toute la journée. On disposa le campement du soir, suivant l'habitude, et chacun veilla à tour de rôle pendant cette nuit passée près des terres inconnues. Le lendemain, le dimanche, après un fort déjeuner fourni par les pattes de l'ours et qui fut excellent, les voyageurs se dirigèrent au nord en inclinant un peu vers l'ouest. Le chemin devenait plus difficile. On marchait vite cependant. Altamonte, du haut du traîneau, observait l'horizon avec une attention fébrile. Ses compagnons étaient en proie à une inquiétude involontaire. Les dernières observations solaires avaient donné pour latitude exacte 83 degrés 35 minutes et pour longitude 120 degrés 15 minutes. C'était la situation assignée au navire américain. La question de vie ou de mort allait donc recevoir sa solution pendant cette journée. Enfin, vers les 2 heures de l'après-midi, Altamonte, se dressant tout debout, arrêta la petite roue par un cri retentissant et montrant du doigt une masse blanche que tout autre regard eût confondue avec les icebergs environnants, il s'écria d'une voix forte « Le porpoise !» Chapitre 6 Le porpoise. Le 24 mars était ce jour de grande fête, ce dimanche des rameaux, pendant lequel les rues des villages et des villes de l'Europe sont jonchées de fleurs et de feuillages. Alors, les cloches retentissent dans les airs et l'atmosphère se remplit de parfums pénétrants. Mais ici, dans ce pays désolé, quelle tristesse, quel silence! Un vent âpre et cuisant, pas une feuille desséchée, pas un brin d'herbe. Et cependant, ce dimanche était aussi un jour de réjouissance pour les voyageurs, car ils allaient trouver enfin ces ressources dont la privation les eût condamnés à une mort prochaine. Ils pressèrent le pas, les chiens tirèrent avec plus d'énergie, Duke aboya de satisfaction, et la troupe arriva bientôt au navire américain. Le porpoise était entièrement enseveli sous la neige. Il n'avait plus ni mât, ni vergue, ni cordage. Tout son gréement fut brisé à l'époque du naufrage. Le navire se trouvait encastré dans un lit de rochers complètement invisibles alors. Le porpoise, couché sur le flanc par la violence du choc, sa carène entr'ouverte, paraissait inhabitable. C'est ce que le capitaine, le docteur et Johnson reconnurent après avoir pénétré non sans peine à l'intérieur du navire. Il fallut déblayer plus de 15 pieds de glace pour arriver au grand panneau. Mais à la joie générale, on vit que les animaux, dont le champ offrait des traces nombreuses, avaient respecté le précieux dépôt de provisions. « Si nous avons ici, dit Johnson, combustible et nourriture assurées, cette coque ne me paraît pas logeable. » « Eh bien, il faut construire une maison de neige, » répondit Atterras, « et nous installer de notre mieux sur le continent. »« Sans doute, » reprit le docteur, « mais nous ne nous pressons pas, et faisons bien les choses. À la rigueur, on peut se caser provisoirement dans le navire. Pendant ce temps, nous bâtirons une solide maison capable de nous protéger contre le froid et les animaux. Je me charge d'en être l'architecte, et vous me verrez à l'œuvre. » « Je ne doute pas de vos talents, monsieur Claoboni. » répondit Johnson. « Installons-nous ici de notre mieux et nous ferons l'inventaire de ce que renferme ce navire. Malheureusement, je ne vois ni chaloupe ni canot, et ces débris sont en trop mauvais état pour nous permettre de construire une embarcation. « Qui sait ?» répondit le docteur. « Avec le temps et la réflexion, on fait bien des choses. Maintenant, il n'est pas question de naviguer, mais de se créer une demeure sédentaire. Je propose donc de ne pas former d'autres projets et de faire chaque chose à son heure. « Cela est sage, » répondit Hatteras. « Commençons par le plus pressé. » Les trois compagnons quittèrent le navire, revinrent au traîneau et firent part de leurs idées à Bell et à l'Américain. Bell se déclara prêt à travailler. L'Américain secoua la tête en apprenant qu'il n'y avait rien à faire de son navire. Mais comme cette discussion eût été oiseuse en ce moment, on s'en tint au projet de se réfugier d'abord dans le Porpoise et de construire une vaste habitation sur la côte. À 4 heures du soir, les 5 voyageurs étaient installés tant bien que mal dans le faux pont. Au moyen d'épars et de débris de mâts, Bell avait installé un plancher à peu près horizontal. On y plaça les couchettes durcies par la gelée, que la chaleur d'un poêle ramena bientôt à leur état naturel. Altamont, appuyé sur le docteur, put se rendre sans trop de peine au coin qui lui avait été réservé. En mettant le pied sur son navire, il laissa échapper un soupir de satisfaction qui ne parut pas de trop bon augure au maître d'équipage. « Il se sent chez lui, » pensa le vieux marin, « et on dirait qu'il nous invite. » Le reste de la journée fut consacré au repos. Le temps menaçait de changer sous l'influence des coups de vent de l'ouest. Le thermomètre placé à l'extérieur marqua 26 degrés, moins 32 degrés centigrades. En somme, le Porpoise se trouvait placé au-delà du pôle du froid et sous une latitude relativement moins glaciale, quoique plus rapprochée du nord. On acheva ce jour-là de manger les restes de l'ours avec des biscuits trouvés dans la soute du navire et quelques tasses de thé. Puis la fatigue l'emporta et chacun s'endormit d'un profond sommeil. Le matin, Hatteras et ses compagnons se réveillèrent un peu tard. Leurs esprits suivaient la pente d'idées nouvelles. L'incertitude du lendemain ne les préoccupait plus, ils ne songeaient qu'à s'installer d'une confortable façon. Ces naufragés se considéraient comme des colons arrivés à leur destination, et oubliant les souffrances du voyage, ils ne pensaient plus qu'à se créer un avenir supportable. « Ouf !» s'écria le docteur en se détirant les bras. « C'est quelque chose de n'avoir point à se demander où l'on couchera le soir et ce que l'on mangera le lendemain. « Commençons par faire l'inventaire du navire, » répondit Johnson. Le Porpoise avait été parfaitement équipé et approvisionné pour une campagne lointaine. L'inventaire donna les quantités de provisions suivantes. 6150 livres de farine, de graisse, de raisins secs pour les puddings. 2000 livres de bœuf et de cochon salé. 1500 livres de pemmican. 700 livres de sucre, autant de chocolat. Une caisse et demie de thé, pesant 96 livres. 500 livres de riz, plusieurs barils de fruits et de légumes conservés. Du lame juice en abondance, des graines de cochléaria, d'oseille, de cresson, 300 gallons de rhum et d'eau-de-vie. La soute offrait une quantité de poudre, de balles et de plomb. Le charbon et le bois se trouvaient en abondance. Le docteur recueillit avec soin les instruments de physique et de navigation et même une forte pile de benzène qui avait été emportée dans le but de faire des expériences d'électricité. En somme, les approvisionnements de toutes sortes pouvaient suffire à 5 hommes pendant plus de 2 ans, à ration entière. Toute crainte de mourir de faim ou de froid s'évanouissait. « Voilà notre existence assurée, » dit le docteur au capitaine, « et rien ne nous empêchera de remonter jusqu'au pôle. »« Jusqu'au pôle ?» répondit Hatteras en tressaillant. « Sans doute, » reprit le docteur, « pendant les mois d'été, qui nous empêchera de pousser une reconnaissance à travers les terres. »« À travers les terres, oui, mais à travers les mers. Ne peut-on construire une chaloupe avec les planches du Porpoise ?» « Une chaloupe américaine, n'est-ce pas ?» répondit dédaigneusement Hatteras, « et commandée par cet Américain. » Le docteur comprit la répugnance du capitaine et ne jugea pas nécessaire de pousser plus avant cette question. Il changea donc le sujet de la conversation. « Maintenant que nous savons à quoi nous en tenir sur nos approvisionnements, reprit-il, il faut construire des magasins pour eux et une maison pour nous. Les matériaux ne manquent pas et nous pouvons nous installer très commodément. « J'espère, Bell, » ajouta le docteur en s'adressant au charpentier, « que vous allez vous distinguer, mon ami. D'ailleurs, je pourrai vous donner quelques bons conseils. « Je suis prêt, monsieur Klaoboni, » répondit Bell. « Au besoin, je ne serai pas embarrassé de construire, au moyen de ces blocs de glace, une ville tout entière, avec ses maisons et ses rues. » « Eh, il ne nous en faut pas tant. Prenons exemple sur les agents de la compagnie de la baie d'Hudson. Ils construisent des forts qui les mettent à l'abri des animaux et des Indiens. C'est tout ce qu'il nous faut. Retranchons-nous de notre mieux. D'un côté l'habitation, de l'autre les magasins, avec une espèce de courtine et deux bastions pour nous couvrir. Je tâcherai de me rappeler pour cette circonstance mes connaissances de castramétation. « Ma foi, monsieur Klaoboni, » dit Johnson, « je ne doute pas que nous ne fassions quelque chose de beau sous votre direction. Eh bien, mes amis, il faut d'abord choisir notre emplacement. Un bon ingénieur doit avant tout reconnaître son terrain. Venez-vous à terrasse. « Je m'en rapporte à vous, docteur, » répondit le capitaine. « Faites, tandis que je vais remonter la côte. » Altamonte, trop faible encore pour prendre part aux travaux, fut laissé à bord de son navire, et les Anglais prirent pied sur le continent. Le temps était orageux et épais. Le thermomètre, à midi, marquait 11 degrés au-dessous de zéro, moins 23 degrés centigrades. Mais, en l'absence du vent, la température restait supportable. À en juger par la disposition du rivage, une mer considérable, entièrement prise alors, s'étendait à perte de vue vers l'ouest. Elle était bornée à l'est par une côte arrondie, coupée d'estuaires profonds et relevée brusquement à 200 yards de la plage. Elle formait ainsi une vaste baie hérissée de ces rochers dangereux sur lesquels le Porpoise fit naufrage. Au loin, dans les terres, se dressait une montagne dont le docteur estima l'altitude à 500 toises environ. Vers le nord, un promontoire venait mourir à la mer après avoir couvert une partie de la baie. Une île, d'une étendue moyenne, ou mieux, un îlot, émergeait du champ de glace à 3 miles de la côte, de sorte que, n'eût été la difficulté d'entrer dans cette rade, elle offrait un mouillage sûr et abrité. Il y avait même dans une échancrure du rivage un petit havre très accessible aux navires, si toutefois le dégel dégageait jamais cette partie de l'océan Arctique. Cependant, suivant les récits de Belcher et de Penny, toute cette mer devait être libre pendant les mois d'été. À mi-côte, le docteur remarqua une sorte de plateau circulaire d'un diamètre de 200 pieds environ. Il dominait la baie sur 3 de ses côtés, et le quatrième était fermé par une muraille à pic haute de 20 toises. On ne pouvait y parvenir qu'au moyen de marches évidées dans la glace. Cet endroit parut propre à asseoir une construction solide, et il pouvait se fortifier aisément. La nature avait fait les premiers frais, il suffisait de profiter de la disposition des lieux. Le docteur, Bell et Johnson atteignirent ce plateau en taillant à la hache les blocs de glace. Ils se trouvaient parfaitement unis. Le docteur, après avoir reconnu l'excellence de l'emplacement, résolut de le déblayer des 10 pieds de neige durcie qui le recouvraient. Il fallait, en effet, établir l'habitation et les magasins sur une base solide. Pendant la journée du lundi, du mardi et du mercredi, on travailla sans relâche. Enfin, le sol apparut. Il était formé d'un granit très dur, à grains serrés, dont les arêtes vives avaient l'acuité du verre. Il renfermait en outre des grenats et de grands cristaux de feldspath que la pioche fit jaillir. Le docteur donna alors les dimensions et le plan de la Snow House. Elle devait avoir 40 pieds de long, sur 20 de large et 10 pieds de haut. Elle était divisée en 3 chambres, un salon, une chambre à coucher et une cuisine. Il n'en fallait pas davantage. À gauche se trouvait la cuisine, à droite la chambre à coucher, au milieu le salon. Pendant 5 jours, le travail fut assidu. Les matériaux ne manquaient pas. Les murailles de glace devaient être assez épaisses pour résister au dégel, car il ne fallait pas risquer de se trouver sans abri, même en été. À mesure que la maison s'élevait, elle prenait bonne tournure. Elle présentait 4 fenêtres de façade, 2 pour le salon, 1 pour la cuisine, 1 autre pour la chambre à coucher. Les vitres en étaient faites de magnifiques tables de glace, suivant la mode esquimaude, et laissait passer une lumière douce comme celle du verre dépoli. Au-devant du salon, entre ces 2 fenêtres, s'allongeait un couloir semblable à un chemin couvert qui donnait accès dans la maison. Une porte solide, enlevée à la cabine du Porpoise, le fermait hermétiquement. La maison terminée, le docteur fut enchanté de son ouvrage. Dire à quel style d'architecture cette construction appartenait eût été difficile, bien que l'architecte eût avoué ses préférences pour le gothique saxon, si répandu en Angleterre. Mais il était question de solidité avant tout. Le docteur se borna donc à revêtir la façade de robustes contreforts, trapus comme des piliers romans. Au-dessus, un toit à pente roide s'appuyait à la muraille de granit. Celle-ci servait également de soutien au tuyau des poêles qui conduisait la fumée au dehors. Quand le gros œuvre fut terminé, on s'occupa de l'installation intérieure. On transporta dans la chambre les couchettes du porpoise. Elles furent disposées circulairement autour d'un vaste poêle. Banquettes, chaises, fauteuils, tables, armoires furent installées aussi dans le salon qui servait de salle à manger. Enfin, la cuisine reçut les fourneaux du navire avec leurs divers ustensiles. Des voiles tendues sur le sol formaient tapis et faisaient aussi fonction de portières aux portes intérieures qui n'avaient pas d'autre fermeture. Les murailles de la maison mesuraient communément 5 pieds d'épaisseur et les baies des fenêtres ressemblaient à des embrasures de canon. Tout cela était d'une extrême solidité. Que pouvait-on exiger de plus ? Ah, si l'on eût écouté le docteur, que n'eût-il pas fait au moyen de cette glace et de cette neige qui se prêtent si facilement à toutes les combinaisons ? Il ruminait tout le long du jour 1000 projets superbes qu'il ne songeait guère à réaliser, mais il amusait ainsi le travail commun par les ressources de son esprit. D'ailleurs, en bibliophile qu'il était, il avait lu un livre assez rare de M. Kraft, ayant pour titre « Description détaillée de la maison de glace construite à Saint-Pétersbourg en janvier 1740 » et de tous les objets qu'elle renfermait. Et ce souvenir surexcitait son esprit inventif. Il raconta même un soir à ses compagnons les merveilles de ce palais de glace. « Ce que l'on a fait à Saint-Pétersbourg, leur dit-il, ne pouvons-nous le faire ici? Que nous manque-t-il? Rien, pas même l'imagination. » « C'était donc bien beau ? » demanda Johnson. « C'était féerique, mon ami. La maison construite par ordre de l'impératrice Anne et dans laquelle elle fit faire les noces de l'un de ses bouffons en 1740 avait à peu près la grandeur de la nôtre. Mais au devant de sa façade, 6 canons de glace s'allongeaient sur leurs affûts. On tira plusieurs fois à boulet et à poudre et ces canons n'éclatèrent pas. Il y avait également des mortiers taillés pour des bombes de 60 livres. Ainsi, nous pourrions établir au besoin une artillerie formidable. Le bronze n'est pas loin et il nous tombe du ciel. Mais où le goût et l'art triomphèrent, ce fut au fronton du palais, orné de statues de glace d'une grande beauté. Le perron offrait au regard des vases de fleurs et d'orangers faits de la même matière. À droite se dressait un éléphant, énorme, qui lançait de l'eau pendant le jour et du naphte enflammé pendant la nuit. Hein ? Quelle ménagerie complète nous ferions si nous le voulions bien ? En fait d'animaux, répliqua Johnson, nous n'en manquerons pas, j'imagine. Et pour n'être pas de glace, ils n'en seront pas moins intéressants. Bon, répondit le belliqueux docteur, nous saurons nous défendre contre leurs attaques. Mais pour en revenir à ma maison de Saint-Pétersbourg, j'ajouterai qu'à l'intérieur il y avait des tables, des toilettes, des miroirs, des candélabres, des bougies, des lits, des matelas, des oreillers, des rideaux, des pendules, des chaises, des cartes à jouer, des armoires avec service complet, le tout en glace ciselé, guilloché, sculpté, enfin un mobilier auquel rien ne manquait. « C'était donc un véritable palais, » dit Bell. « Un palais splendide et digne d'une souveraine, à la glace, que la Providence a bien fait de l'inventer puisqu'elle se prête à tant de merveilles et qu'elle peut fournir le bien-être aux naufragés. » L'aménagement de la maison de neige prit jusqu'au 31 mars. C'était la fête de Pâques et ce jour fut consacré au repos. On le passa tout entier dans le salon où la lecture de l'office divin fut faite et chacun put apprécier la bonne disposition de la Snow House. Le lendemain, on s'occupa de construire les magasins et la poudrière. Ce fut encore l'affaire d'une 8aine de jours. En y comprenant le temps employé au déchargement complet du porpoise, qui ne se fit pas sans difficulté, car la température très basse ne permettait pas de travailler longtemps. Enfin, le 8 avril, les provisions, le combustible et les munitions se trouvaient en terre ferme et parfaitement à l'abri. Les magasins étaient situés au nord et la poudrière au sud du plateau, à 60 pieds environ de chaque extrémité de la maison. une sorte de chenil fut construit près des magasins. Il était destiné à loger l'attelage groenlandais et le docteur l'honora du nom de Doc Palace. Duke, lui, partageait la demeure commune. Alors le docteur passa aux moyens de défense de la place. Sous sa direction, le plateau fut entouré d'une véritable fortification de glace qui le mit à l'abri de toute invasion. Sa hauteur faisait une escarpe naturelle et comme il n'avait ni rentrant ni saillant, il était également fort sur toutes les faces. Le docteur, en organisant ce système de défense, rappelait invinciblement à l'esprit le digne oncle Toby de Stern, dont il avait la douce bonté et l'égalité d'humeur. Il fallait le voir calculant la pente de son talus intérieur, l'inclinaison du terre-plein et la largeur de la banquette. Mais ce travail se faisait si facilement avec cette neige complaisante que c'était un véritable plaisir, et l'aimable ingénieur put donner jusqu'à 7 pieds d'épaisseur à sa muraille de glace. D'ailleurs, le plateau dominant la baie, il n'eut à construire ni contre-escarpe, ni talus extérieur, ni glacis. Le parapet de neige, après avoir suivi les contours du plateau, prenait le mur du rocher en retour et venait se souder aux deux côtés de maison. Ces ouvrages de castramétation furent terminés vers le 15 avril. Le fort était au complet et le docteur paraissait très fier de son œuvre. En vérité, cette enceinte fortifiée eût pu tenir longtemps contre une tribu d'Esquimaux, si de pareils ennemis se fussent jamais rencontrés sous une telle latitude. Mais il n'y avait aucune trace d'êtres humains sur cette côte. Hatteras, en relevant la configuration de la baie, ne vit jamais un seul reste de ces huttes qui se trouvent communément dans les parages fréquentés des tribus groenlandaises. Les naufragés du Forward et du Porpoise paraissaient être les premiers à fouler ce sol inconnu. Mais si les hommes n'étaient pas à craindre, les animaux pouvaient être redoutables, et le fort, ainsi défendu, devait abriter sa petite garnison contre leurs attaques.